God, devant le public, ça doit être malade. Blob s'est dédoublé. Ah oui? Nous entend-il? Je vais faire des simagrées. Mais j'avais pas remarqué, mais il y a un des blobs. Vous entendez, mais vous m'entendez plus parce que... Oh oui! Ah, on t'entend, là! Et vous m'entendez pas pendant que Narf fait... Nous sommes le jeudi 24 août. Vous écoutez le podcast On a juste une vie numéro 167. Je suis Narf. Je suis Blob. Je suis Anne-Marie. Et je suis Sean. Oh, wow! Wow! Yeah! Ça roule! On est rendu des professionnels. Quasiment. Prochaine étape, ça va être de le dire, là. Juste assez rapidement, genre d'anticiper la fin de la personne avant pour qu'il n'y ait pas de pause. Parce que tu sais, quand on se parle dans un podcast en Google Hangout, il y a comme un petit délai de comme, pas moi, une demi-seconde là, quand on se parle et qu'on se répond. Fait que là, faudrait que genre, que pendant que je dis épisode 160, là Anne-Marie commence à dire « Je suis Anne-Marie » ou « Non, c'est Blob ». Non, c'est vrai, c'est Blob. Mais ouais, on pourrait essayer d'être plus snappy pour... Ouais. J'ai peur, la semaine prochaine, on va tous se marcher ses pieds. Ouais, parce qu'on va essayer... Ça va être un beau cluster. Arrête ça avec tes idées de fou. Les pieds de nos cordes vocales vont être écrapous. Alors, je sais pas pour vous, je regarde ma liste, je suis comme... J'ai rien joué depuis la semaine passée, mais la liste que j'avais la semaine passée et la semaine d'avant et la semaine d'avant... s'allonge perpétuellement. Et là, je vois qu'Anne-Marie a joué à Pokémon Go, puis ça me fait penser que moi aussi, j'ai joué à Pokémon Go depuis l'update, fait que je devrais l'ajouter à ma liste. Ouais, bref, je sais pas trop pourquoi j'ai rajouté là, je pense que c'est justement à cause de l'update. Avec les radius, ça doit être ça que je voulais parler, là. Mais ça fait comme un mois. Mais justement, j'ai essayé un gym là, cette semaine. Genre, je marchais tranquillement. Puis là, j'ai attrapé des Pokémon. Puis là, il y avait un Pokémon loin que je voyais sur le radar. Fait que j'ai fait, oh, bon, je vais aller le pogner. Je l'ai pas celui-là. Fait que là, je me suis rendu. Puis là, il y en avait un autre. Puis là, j'étais là, oh, ben, je vais aller le pogner. Mais là, il a disparu. Là, il y avait un gym. Fait que j'ai fait, oh, je vais aller voir les gyms, là, comment c'est maintenant. C'est quand même moins pire qu'avant, mais c'est quand même pas passionnant. Puis là, tu peux leur donner des berries. Puis là, ils sont berry happy. Wow. Mais à part je sais pas, j'ai pas embarqué, j'ai vraiment essayé. J'ai essayé. Mais c'était pas à point. Ça dépend tellement de où est-ce que tu habites. Ah ouais? Parce que, genre, autour de ma job, dans le Vieux-Port, il y en a plein partout. Ok. C'est fun. C'est réellement comme à chaque fois que tu fais un coin de rue, t'attrapes de quoi? Là, il y en a un autre juste à côté. Fait que là, tu marches, là, tu t'en vas le pogner. Là, il y en a un autre juste à côté. Fait que t'es constamment genre, oh, il y en a un là, oh, il y en a un là, oh, il y en a un là. OK. C'est vraiment plus palpitant à Montréal. Jouer chez nous, autour de où est-ce que j'habite, beaucoup moins le fun. Il y en a un petit peu, mais il faut que tu marches pas mal plus. Fait qu'il y a beaucoup de downtime. Ouais. Disons, moi, c'est... À n'importe où en banlieue, là, il y a fuck all. Là. Ouais, exactement. Tu sais, j'habite à Laval, puis... Ah, c'est ça. Quand je l'avais essayé, j'étais encore dans mes cours de prog. Puis ça, c'était un bout de nowhere, une petite rue à côté d'Henri Bourassa. Fait qu'on était tous des niveaux 10+, qui n'est pas super haut, mais c'est quand même pas le début. Puis on pognait encore des Rattata puis des Pidgey et que ça. Et c'était rare. Non, ça n'arrêtera pas, par exemple. Ça n'arrêtera jamais. Même si tu es dans le Vieux-Port, c'est quand même majoritairement des Rattata et des Pidgey. Ah ouais? Mais maintenant, il y a un peu plus de variété, mais c'est encore tout le temps la même merde. Wow. Ouais. Ouais, mais quand tu mets un lure, il n'y a rien qui sort, c'est pas trop tentant. Mais Laval, on le sait bien. Mm. Même les Pokémon, ils savent que c'est un trou. Oh. C'est pas juste. Pourtant, le gazon est tellement plus vert ici. Ah ouais? Ah ben, au moins, il y a du gazon ici. Ouais, bon, c'est ça que j'allais dire. Fair enough. Fait que Laval a du gazon, Montréal a tous les restes. Ouch! Mais il en rajoute quand même des Pokéstops juste sur une petite note, là. Juste à côté de chez moi, là, ça fait 2 semaines, je pense, il y a un nouveau gym puis un nouveau Pokéstop. Ah ouais? Qui viennent de pousser. Ouais, il y avait vraiment rien à côté de chez moi, là. Puis là, tout d'un coup, il y a de quoi. Fait que je sais pas si c'est parce que je joue puis il y a d'autres gens qui jouent puis là, ça fait du trafic. Je sais pas. Mais je suis contente. Tant mieux. Tant mieux. Cool. Mmh. Ouais, je savais pas qu'il en rajoutait encore... dans des hôtels. Ils n'ont pas le choix. Il y a des endroits, c'est désert. C'est injouable. Fait que c'est comme... Ouais, c'est vrai. Puis le jeu n'est pas balancé pour te donner du catch-up. Pour dire que, mettons... tu sais, mettons, il pourrait te donner un certain nombre de Pokéballs à tous les jours. Pour que même si tu n'as pas de Pokéstop, au moins, tu puisses attraper des affaires. Mais... Ils font pas. Ouais. Tant pis. Ouais, c'est vrai. Parlant de Pokémon, à moins que vous ayez des choses particulières à dire à propos de Pokémon Go. Non. Ben, les raids, c'est pas à Montréal avec plein de monde. Ça marche pas. Moi, tout ce que j'ai entendu des raids, c'est des gens qui soit les ont fait tout seuls, ou à deux avec un ami, ou ils se sont rendus, ils ont attendu, puis il y avait personne, fait qu'ils ont pas réussi. Ben, c'est ça, ben, mettons pour les oiseaux légendaires, là, ça prend comme une dizaine de personnes de bon niveau pour être capable de les battre, apparemment. Là. Mmh. Fait que, ben, je veux dire, il y a un japonais qui a réussi à battre un légendaire tout seul, mais comme son party, c'était vraiment de la bombe, puis c'était le bon type pour battre le Pokémon en question, puis t'sais, le gars devait être level 40, là, t'sais, il était vraiment super optimisé, là. Mais sinon, non, mon copain, il est capable à la gare centrale, parce qu'il travaille à la gare centrale, fait que des fois, il est capable d'avoir des raids, puis il y a du bon. Mais si c'est comme à une heure où tout le monde travaille, non, il y en a pas. Puis moi, à Longueuil, oublie ça. Mais c'est ça, il y a des raids qui sont moins difficiles, il y a des niveaux plus bas que tu peux faire toi-même, mais il y a de tous les niveaux, puis c'est ça, jusqu'à un niveau où ça prend 10, 15, 20 personnes pour le péter. Wow. C'est super le fun parce que tout le monde est en équipe, puis là, tout le monde réussit à le battre, puis ça donne des super belles récompenses, ça donne des trucs que tu peux pas trouver ailleurs, des nouveaux items. Puis ça donne une chance de l'attraper aussi, ça veut pas dire que tu vas l'attraper, mais selon ta contribution, donc plus tu as réussi à contribuer dans le raid, ben plus tu as de chances d'avoir des Pokéballs pour être capable de l'attraper après. Fait que c'est super le fun là, comme système. C'est vraiment chouette, mais. Si t'es en région pis qu'il y a un Articuno qui apparaît, ben, tu seras pas capable de le péter si t'es tout seul, là. Ah, c'est ça. Ça arrivera pas, là. Ouais. Est-ce que t'as essayé les gyms? Ouais. Parce que moi, j'ai essayé les gyms pis j'ai pas compris c'est quoi le but. Juste, le but, c'est de péter le gym pis de le vider, pis là, de mettre un Pokémon dedans, là. Mais après ça, ça sert à quoi, ça? Je sais pas. Tu sais, il y a des sous en jeu que tu peux acheter avec de la vraie argent qui te permettent d'acheter des améliorations. C'est ça que ça donne. Le plus longtemps que tu restes dans un gym, tu gagnes des sous pour la boutique en jeu, qui sont des trucs que tu peux acheter avec de la vraie argent. Combien de temps ça prend pour gagner un sou? Si tu te fais kicker trop vite, t'as rien? C'était pas 5 sous par jour ou je sais pas. Parce qu'avant, tu gagnais 10 non. sous par gym par jour. Ah, c'est plus avant. C'est rendu au prorata de combien de temps t'es resté. Il y a un maximum. Tu peux pas gagner plus que 50 sous. Même si ça fait 3 semaines que t'es là, t'auras pas plus que 50 sous. Mon Dieu, c'est quoi le dernier? Sont-tu capable de me dire mes stats? Moi, j'ai rien eu. Défense, 20 heures. Laisse-tu de marbre. J'ai fait un 20 heures dans un gym hier, mais là, je sais pas combien que ça m'a donné. Ouais, bon, après ça, je pense pas que je suis resté plus qu'une heure. En fait, je pense pas que je suis resté une heure. Y a-t-il moyen d'avoir un journal des dernières affaires que t'as faites? Il me semble que ça existait avant. Oui, journal. Oui, j'ai eu le maximum. J'ai eu 50 sous. Je suis resté 20 heures. Je pense que c'est vraiment plus qu'avant. Ouais. Parce que ça bouge vite, puis même quand je reste pas longtemps, en général, j'en reçois tout le temps, là. En tout cas, Je sais pas comment qu'ils te donnent ces sous-là, mais j'ai pas eu comme de notification, genre, tu as reçu des sous. Ça disait, ton Pokémon est revenu, mais ça disait pas. C'est depuis l'update, t'as essayé depuis l'update? Ouais, ouais. Ok, parce que avant ça, c'était plus clair. T'allais dans le shop, tu faisais sur le piton, puis là, ça te donnait les sous tout de suite. Bon. Ah, mais là, ça te donne automatique, c'est bien mieux. Fait que ouais, mais ça, ça te le dit pas, moi, je le savais pas. Fait que j'étais comme, ben, oui. Jim, ça sert à rien, ça a l'air. Mais ça donne un pop-up, puis ça dit, ben moi, je joue en français, là. Ça donne un pop-up, puis ça dit, ah, oh, Tauros s'est bien battu, il est maintenant de retour. Puis ça fait un petit genre, plus 12 pièces, mettons. Huh. Je porterai plus attention la prochaine fois. Ouais, mais si tu vas dans le journal, donc si tu vas sur ton profil de dresseur, en cliquant sur ton petit bonhomme, là, tu vas avoir l'option journal, qui est le piton du milieu. Puis là, c'est vraiment comme... C'est sûr que le journal, c'est un peu un mélange de tout, parce que tout ce que tu as fait est dessus, fait que tous les Pokéstops, puis les Pokémon que tu as pognés, puis tout est dessus. Mais mettons que tu scrolls, là, c'est ça, je peux voir tantôt que Vaporeon est revenu, puis qu'il a gagné 50 sous. Bon. Je ferai ça tantôt, okay. Parce que... Le jeu est quand même long à ouvrir. Ouais. Dans il devrait fond, apprendre de Clash Royale puis de Pokémon Vieux Monsieur. Ouais, je pense qu'il est peut-être pas super optimisé encore. Juste comme ça, là, tu sais, on pourrait parler de Pokémon Vieux Monsieur encore. Ouais, j'ai vu que tu l'avais mis dans ta. Parce que, tu sais, Sean, il n'a jamais entendu parler de Pokémon Vieux Monsieur. C'est vrai que ça manque à sa culture. Tu m'en parles tout le temps de Pokémon Vieux Monsieur. Quoi? Je t'en ai déjà parlé? Non, c'est juste que d'habitude, tu ignores de mentionner le Pokémon. Tu fais juste parler de Vieux Monsieur, puis je trouve ça étrange. Mais vas-y, explique-moi c'est quoi. Je parle pas de Vieux Monsieur. Ah, ok, Nap. Pas de problème. Donc, à quel point t'as l'air normal dans ton milieu de travail? Mais je me souviens pas avoir parlé de ça. Fait que là, je suis comme, est-ce que c'est parce que j'ai oublié ou c'est parce que Sean est en train de me niaiser? Peut-être les deux. Ça m'aide pas, ça. Ça peut quand même dire que je t'aurais parlé de Vieux Monsieur. Que je suis comme, pourquoi j'aurais fait ça? C'est correct, Nerf, je te niaise. C'est drôle. Ah, c'est mais pardon. Si jamais tu veux, sans toi libre, c'est correct. Tu peux me parler de Vieux Monsieur. Oui, mais je préfère les Pokémon Vieux Monsieur. OK, bon. Alors, vas-y. Alors, les Pokémon Vieux Monsieur, pour Sean. Je le dis juste pour Sean, parce que tout le monde s'en fout. C'est un jeu mobile vraiment louche et probablement qu'il a été retiré du App Store depuis par Nintendo, parce que c'est absolument... Les mêmes Pokémon. Ça existait vraiment. Oui, oui, oui. C'est un jeu. Je l'ai sur mon téléphone et je joue tout le temps depuis au moins un an. OK. Juste pas que tu le désinstalles. Ça s'appelle Ojimon ou Ojisan Monster. OK. C'est-à-dire les monstres vieux monsieur. Ojimon, les... OK. Les vieux mon. OK. Et. Je suis pas capable de le trouver. Avec ça? Non, tu peux pas chercher Ojisan Monster. Il faut que tu cherches sur Google. Parce que le nom est en japonais. Oui, c'est vrai, c'est ça, j'avais fait. Tu cherches sur Google. Mais il y a quand même plein de jeux de vieux monsieur qui pop quand tu marques Ojisan sur le App Store. Ah ouais. Sûrement. By the way. Sûrement. Mais. C'est vraiment weird. Alors, dans Pokémon Vieux Monsieur, c'est les mêmes Pokémon de la série de Nintendo. C'est littéralement, c'est Pikachu avec une face de Vieux Monsieur. C'est ouais. Un Rattata avec une face de Vieux Monsieur. Et c'est toujours la même petite face de Vieux Monsieur. Et non seulement ça, mais c'est la face de Vieux Monsieur que si t'as moindrement porté attention à la culture japonaise, les Japonais, quand ils dessinent des Vieux Monsieur, c'est tout le temps comme l'espèce de même face. Ok. Une espèce de gros nez, puis de bouche un super peu comme ridée, là. Qui pendouille, puis la barbe pas faite, des espèces de yeux fatigués. Alors, ils ont toutes cette petite face-là. Ils sont tous très très laids. Et tu joues ça tout le temps, tu me dis? Je joue ça tout le temps. Parce que c'est un jeu, écoute, c'est un jeu, t'ouvres le jeu. Il y a à peu près 5-6 Pokémon vieux monsieur qui se promènent devant l'écran. Tu fais comme tap, tap, tap, tap, tap. les cliques une fois chacun, ça leur garoche des Pokéballs, ça les attrape et c'est tout. Mais là, après ça, une fois que tu les as attrapés, et là, tu fermes le jeu, genre. Mais là, le jeu, quand il est fermé, là, tes Pokémon, ils vont dans ta mine. Que là, tu accèdes en tapant un tuyau de Mario, parce que tant qu'il a volé des propriétés intellectuelles de Nintendo, c'est bien. On y va fort. Tu cliques sur un tuyau de Mario, et là, tu es dans une mine, une caverne, et là, tu vois ton Pokémon ou tes Pokémon vieux monsieur avec des pics de mineurs. Puis là, ils creusent pour toi. Puis là, ils te ramassent de l'argent. Puis c'est absolument un idle game. Wow. Et là, magique. Fait que le jeu roule quand il est fermé. Tu ramasses de l'argent. Là, tu l'ouvres. Tu attrapes des Pokémon. Tu utilises l'argent pour accéder à des nouvelles zones qui te donnent des nouveaux Pokémon. Ou pour upgrader leur équipement de chacun de tes Pokémon, vieux monsieur. Ils ont de l'équipement? Oui. Ils ont des pickaxes, là. Tu peux les ouvrir. Ah, okay. Puis à chaque fois que tu... des meilleurs esclaves. Ouais. C'est absolument bizarre. Le choix est assez particulier parce que, tu sais, comme qui se dit, c'est un jeu d'esclavage. Qui c'est qui s'est dit, genre, on va faire un jeu, puis on va mettre de l'esclavage, genre, ouvertement dedans? Je sais pas, peut-être que dans le texte, c'est pas mentionné, mais visuellement, tu les vois, puis là, ils sont tous là à travailler. Puis là, des fois, ils sont fatigués. Puis là, t'as une Madame Pikachu, vieux monsieur, qui cogne sur un chaudron pour toutes les réveiller, pour qu'ils continuent à se remettre au travail. Wow! Et là, pourquoi je voulais en parler encore cette semaine, parce que là, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, Blob et Anne-Marie sont... tannés de m'entendre. Okay. Ainsi que nos 450 000 auditeurs sont tannés de m'entendre. Mais là... C'est un peu de répétition. Je sais pas si vous comprenez à quel point je ne comprends pas ce jeu. Parce que à chaque fois que je pense, que je me dis, là, j'ai tout vu dans ce jeu-là. J'ai comme... Et là, ça fait juste me débloquer les nouveaux Pokémon, mais c'est comme ça va être le même gameplay tout le temps. Ben non. Le jeu fait quand « Hey gars, tu viens de débloquer une nouvelle patente. » Puis là, il y a un nouveau truc que tu peux ramasser. Tu peux ramasser des canettes de bière puis les verser sur des fossiles pour obtenir les fossiles légendaires. Tu sais comme « Sure, this makes sense. Okay. » Why not? Puis là, après ça, il y avait pour les Eevee puis ses évolutions, il y avait une autre affaire différente de gameplay. Puis là, j'ai les oiseaux légendaires. Puis il y a une autre affaire de gameplay. Puis à chaque fois genre, que je me dis, OK, ma mine, ça c'est le maximum, tu sais, genre l'écran, money, il scroll plus. Puis là, tu fais comme, OK, ça va se remplir de Pokémon vieux monsieur, puis là, ça va être fini. Mais là, genre, non, ça s'élargit. Puis là, il y a encore plus de mines. Puis là, il y a encore plus de Pokémon. Puis il y a des nouvelles manières de les évoluer. Puis tout ça sans aucune mise à jour de l'application. Moi, c'est la partie qui me fait le plus freaker. Puis on s'entend qu'il y a juste bien un développeur de jeu qui peut freaker. Ça veut dire que tout ce contenu c'est tout là. Était dans le jeu depuis le début et je joue. Et c'est comme s'il y avait des mises à jour puis qu'il me débloquait des nouveaux modes. Puis des nouveaux non, systèmes. Il est juste là, latent. Il était déjà là. Il attendait juste que je le débloque. Et ça fait un an que je joue, là. Tabarouette. Et là, je me dis, tu sais, au début, tu fais comme, ah, j'ai atteint la limite de mes pickaxes pour l'équipement de mes affaires. Puis là, à un moment donné, ah, t'as atteint tel niveau, là, il y a d'autres affaires, puis là, tu peux les upgrader d'une autre manière. Puis, tu sais, comme, voyons donc! Tout ça était dans le jeu depuis le début. Comment est-ce possible? Non, je trouve ça. Et je me demande toujours, mais qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'il va y avoir quand je vais avoir upgrader toutes mes pickaxes maintenant? Qu'est-ce qu'il va y avoir quand je vais avoir tous les oiseaux légendaires? Qu'est-ce que ça va faire quand je vais avoir tous les fossiles? Et voilà. Alors, ben, je continue de jouer. Je comprends pourquoi tu es fasciné avec ce jeu-là. Parce que même si, d'après ta description, c'est un jeu horrible et je comprends pas pourquoi tu le joues. C'est pas horrible! C'est le fun! C'est terrible! Mais qu'est-ce qui est cool là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on cherche dans tous les jeux. C'est un niveau de replayability, un niveau tu sais, de recyclage de ce feeling de « Hey, je viens juste de débloquer quelque chose. » Là, ça fait un an que tu joues puis ça te pitch encore des curves. Là, ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose de correct. Même si c'est fucking terrible. Oui, puis on s'entend que, genre, à un moment donné, tu sais, comme, au début, tu sais, ça va vite, tu débloques les zones, puis là, tu upgrades tes vieux messieurs, puis là, ça, tu sais, ça va vite. Puis là, à un moment donné, ben, comme dans tous les jeux mobiles, tu sais, à un moment donné, ça se met à ralentir, puis là, ça t'en prend beaucoup plus de temps et d'effort pour upgrader d'une zone ou upgrader un Pokémon vieux monsieur. OK. Fait que, tu sais, ça ralentit. Sauf que là, je sais pas pourquoi, là, il y a quelque chose qui s'est passé, puis là, soudainement, ça s'est mis à accélérer, là. Puis là, genre, je débloque des zones comme pas mal plus rapidement, puis là, puis les zones, tu sais, le décor change, puis la musique change, puis là, je suis comme, voyons donc, tout ça était dans le jeu! What the fuck? Les musiques, c'est absolument les musiques de Pokémon, mais ils changent un peu les accords. Wow! Genre, tu peux les reconnaître, tu les reconnais absolument. C'est trop drôle. Puis là, ça devient un jeu, genre, quelle est cette toune de Pokémon? Ah, ça, c'est la toune des gyms, je pense. Puis là, t'entends, tu chantes la toune des gyms dans ta tête. Ouais, ouais, c'est la même chose, c'est juste que la mélodie est un petit peu différente. Ce qui m'impressionne, c'est qu'en plus, toi, quand tu joues à Idle Game, tu joues pas juste un peu, là. Tu joues vraiment beaucoup. Genre, vraiment régulièrement, non? Ben là, ben, écoute, j'ouvre le jeu... Combien de fois par jour j'ouvre le jeu? Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de contenu parce que ça t'a. Je pense à ça parce que ça t'a vraiment pas pris beaucoup de temps à passer à travers Space Plan, puis ça m'a pris genre des semaines. Ouais, ben j'ouvrais le jeu. Je sais plus, là. Space Plan, puis toutes ces idle games-là, je vais les ouvrir comme le matin en me levant, dans l'autobus, dans le métro, le midi quand je vais me chercher mon lunch, je le check. Je me demande si t'as comme une liste de idle games sur ton téléphone que quand tu te lèves le matin, il faut toutes tes ouvres pour récolter toutes tes affaires. Bah, une liste. Je sais pas si on peut appeler ça une liste, là, mais j'ai un Pokémon vieux monsieur. J'ai reparti une game de Neko Atsume depuis un mois. Puis je joue à Clash Royale. Puis avec Clash Royale, il faut que tu ouvres faut que tu collectes tes affaires. Faut que tu joues pour vrai. Puis après ça, faut que tu joues pour vrai. Mais ça, c'est quand même le fun de jouer pour vrai. Au moins. Puis là, je joue un petit peu à Pokémon Go, mais pas tant que ça. J'ai une rotation. Là, maintenant, je me tanne de un, puis là, il y en a un nouveau, puis là, il y en a un qui sort, puis il y en a un qui rentre. Mais tu sais, c'est des jeux, là. Tous ces jeux-là, là, tu le sais, là. Tu l'ouvres, tu joues une minute gros max. Ouais, c'est vrai. Puis tu le fermes, puis tu passes au suivant. Fait que tu sais, si tu veux te satisfaire pendant 5 minutes... Mais ça t'en prend au moins 2-3. Ou Clash Royale. Quand tu perds, quand tu gagnes pas, ça peut être un peu long remplir tes chests. Là. Ouais. Enfin. Suffit. Je ne parle plus jamais de Pokémon vieux monsieur jusqu'à temps qu'il y ait un prochain update. Ben c'est ça, et que je ferais pas cette promesse-là, moi. Un prochain update sans update. Good. Est-ce qu'on passe à la question que tout le monde se pose? C'est quoi la question que tout le monde se pose? Blob, t'avais-tu joué à Sonic Mania? Non, pas encore. Ah! J'ai écouté le film d'introduction qui était absolument génial. Ah, il y a un film d'introduction? Ça, j'ai pas vu ça. Ben, tu pars le jeu, là, puis il y a un petit film au début, là. Très, pour très court, animé, vraiment beau. Oh! Je pense que ça vaut la peine de regarder ça, même si on n'aime pas trop Sonic. Parce que la qualité est là. Ça donne le goût de l'essayer. C'est pratiquement aussi le fun que celui au début de Sonic CD. Il paraît que si tu l'écoutes et que tu fais pause à chaque fois que Sonic comme il part, puis que tu fais pause sur les frames, tu peux voir que Sonic est comme il prend des formes vraiment bizarres. Genre. Ouais. En forme de saucisse, en forme de caisse. Il est comme mou. C'est dommage drôle. Alors, il faut qu'il fasse ça pour que quand c'est joué en real time, ça a de l'air naturel. C'est vraiment pas weird, par exemple. Ouais. Ben, je pense qu'on n'avait pas dit que Overwatch faisait la même affaire. Genre, si tu enregistres une séquence de jeu et que tu fais pause, les personnages entre les entre les keyframes, pourrait... là. Ouais, ma blonde, elle s'y connaît plus en animation, mais je pense qu'effectivement que keyframe est le bon mot. Entre les keyframes, ils ont des poses vraiment étirées, puis genre, ils ont la grosse tête, tout étiré, vraiment creepy. Yeah. Mais yeah. Genre, dans le feu de l'action, en fluide, c'est super beau, puis c'est ça qu'il faut, là. C'est ça. Je suis impressionné. Je vais te linker à un petit vidéo qui m'a expliqué ça. C'est une vidéo qui montre aux animateurs avant qu'ils embarquent chez... c'était-tu Pixar ou... Quelque chose comme ça. Pixar ouais, ou ça. Disney ou un de ces studios-là. Fait que ça n'a pas rapport avec Overwatch en tant que tel? Ben non, mais c'est les lois de l'animation. Peu importe si tu fais de l'animation pour des jeux vidéo ou pour un cartoon, c'est des lois qu'il faut que tu suives. Il faut faire des choses complètement anormales à tes personnages pour que ça a l'air naturel quand tu le dessines, quand tu le roules. Hmm. Yeah. Comme une balle, par exemple. J'avais fait ça dans un de mes cours. Juste faire une balle qui rebondit, puis elle reste pas en balle. Ouais, faut qu'elle aplatisse. Faut qu'elle étire, qu'elle aplatisse. Y a toutes sortes de distorsions avec la rotation de la balle aussi qu'il faut qu'il se fasse, mais ça finit par donner une belle balle bien normale qui rebondit, tu sais. Hmm. Yeah. Les petits trucs. Je trouve ça drôle parce que pendant que tu parles, je sais pas, la connexion est un peu lente, fait que, genre, au lieu d'avoir 30 frames par seconde de Sean, on a 3 frames par seconde, puis là, tu faisais des mouvements avec tes mains, puis là, ça faisait comme des traînées. Ça faisait comme... Oh non! J'ai l'impression que c'est exactement ce que tu nous décris. Non, je faisais ça juste pour prouver mon point, tu vois. On le voyait. Google a compris que c'est de ça que tu parlais, puis là, il a baissé ton frame rate. Voilà. Nice. Google. Nice. En parlant d'intelligence artificielle, j'en ai joué un... C'est un lien avec Google, ça? Pas pire, ça, hein? J'en ai joué un récemment. Je me rappelle pas si on a touché là-dessus la semaine dernière, la dernière fois. Event Zero? Je pense pas. Event Zero, puis tu sais, comme zéro, ça fait partie de... C'est comme en braquette carrée. En tout cas, pour des programmeurs, ouais. Ça veut dire c'est comme le premier index dans une liste de quelque chose. Ah, comme okay. Ça, là. Dans la liste Event. Dans la liste event, exact. Puis c'est vraiment intéressant comme concept. Tu sais, moi, j'aime tout ce qui est intelligence artificielle, même si c'est super poche puis pourri. Je vais l'écouter juste pour voir si peut-être il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis celui-là, je vais dire, c'est cool parce que ta seule interaction avec le monde, c'est avec une machine. C'est un petit peu comme Space Odyssey, là. 2001, une odyssée de l'espace. Mm-hmm. Je sais pas si c'est le même en français, mais... 2001, l'odyssée de l'espace. Bah, je t'approche, OK. C'est ça. Fait que, tu sais, là-dessus, il y a comme un gars pogné avec un robot dans un vaisseau spécial. Sorry, Dave. I cannot do that. Exactly. Ah, oh, c'est creepy quand tu le fais. Ouais, tu l'as bien. Dans ce jeu-là, toutes tes interactions avec ce robot-là, c'est à partir d'un terminal. Tu sais, t'as un écran puis un clavier, puis il faut que toi, tu tapes ton interaction avec le robot, puis lui, il va te taper une réponse. OK. Fait que tu peux penser à toutes les différentes sortes de questions que tu vas demander au début du jeu, puis... Tu sais, t'as aucune direction, fait qu'ils ont dû vraiment, dès le début, vraiment penser à des réponses un petit peu comme bubble, tu sais, pour chaque catégorie de questions que tu pourrais poser à la machine. Mais, fait que c'est un peu plus rough au début, mais au fur et à mesure que tu t'approches puis tes questions ont plus rapport, je trouve qu'ils ont fait une vraiment belle job. T'sais, on dirait vraiment comme si tu interagissais avec quelqu'un. C'est tough faire ça, là, que tu tapes une question, puis il te répond ou il dit Ben non, je t'ai dit tantôt que tu pouvais pas faire ça. Va donc regarder dans la place que je t'ai pointé tantôt. Comme, ah, oh, Chris, t'as raison. J'ai oublié que tu m'avais pointé là-bas. OK, à tantôt, ordinateur. Tu t'en vas checker. C'est comme, ah, oh, ouais. C'est cool parce que c'est un robot avec de l'attitude. Puis, non, ils ont bien fait ça. Mais c'est quoi? C'est un first-person shooter, genre? Ouais, mais il n'y a pas de shooting vraiment. Ah, okay. C'est juste first person exploration. Fait que puis tu te promènes, le moment tu trouves un ordi, puis là tu parles avec l'ordi. Ouais, c'est comme tu dis, Anari, c'est comme un chatbot, ouais, dans le fond. Puis tu essaies de découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans la station, puis tu poses les bonnes questions, tu essaies de rentrer dans les bonnes salles. Il y a des indices un peu partout cachés. Si t'es pas clair qu'est-ce qu'un indice fait, ben peut-être va demander l'ordinateur. Peut-être qu'il va pas te donner une réponse, mais il va dire « Ah, ben moi, je le sais pas, mais je sais que la dernière fois que quelqu'un a mentionné ça, il était là-bas. Fait que tu vas aller investiguer là-bas. » Tu sais, c'est comme de tout un flow naturel, progressif comme ça. Puis, moi, j'aime bien. Mais il faut aimer les jeux d'exploration. Et de chat. Ouais, parce qu'il y a pas d'action, là. Il y a vraiment rien qui se passe. Fait que t'écris, genre, littéralement, tu tapes au clavier, genre. Tu tapes, ouais, c'est ça. Puis là, tu peux y écrire, genre, tu pues. Ouais, puis des fois, il va se fâcher. Ou il va te répondre. I'm sorry, Dave. I do not understand what you said. Il y a comme un moment où t'es pogné à l'extérieur du vaisseau spatial avec ton soude, puis ton oxygène est vraiment bas parce qu'il fallait que t'ailles chercher un code ou quelque chose qui était à l'extérieur. Tu retournes à la porte, puis genre, il dit, je sais pas si je devrais te laisser rentrer. Je t'ai dit tantôt que c'était dangereux. Il est comme, oh non, c'est Hal. Je le savais, t'es Hal, mon hostie. Mais alors finalement, il voulait juste prendre soin de toi. Il voulait être sûr que tu prenais pas de chance. C'est pas nécessaire. Fait qu'il dit, c'est la dernière fois que je te laisse sortir. Dave. Est-ce que t'as vu le film Moon? Oui, ça j'aime ça. Ok. Ouais, c'est vraiment nice. Que tu me décris? Parce que c'est ça qui. Ah, j'essaie. Je veux dire de quoi à propos du film, mais en même temps, c'est tellement un spoiler. Ouais, c'est vraiment spoiler. Genre, tout dans ce film est un spoiler. Genre... Ouais. Il y a un AI. C'est... Ah, il t'a déjà tout spoilé. Ben non, ça, on le voit depuis le début. Je l'ai, Event Zero, en plus. Ben oui, je l'ai. Tu l'as, hein? Ouais, mais il me semble que j'ai vu l'autre jour, il était gratuit avec je sais plus quoi. Moi, je l'ai pogné dans le Humble. Ah, ok, ouais. J'ai Humble Monthly. Ouais, j'ai cancellé finalement. J'avais une collection immense de jeux que... Ah ouais. Ah, je pouvais plus. Il y en a tellement. Ah, un autre bon que j'ai pogné avec Humble, c'était Super Hot. Super Hot. Super Hot. J'ai juste vu du monde faire des speedruns. C'est tellement impressionnant. Ah, sérieux. Ouais. Ben, c'est sûr que j'essaie ça en réalité virtuelle. Oui. C'est même pas le même. Ah ouais? Non, c'est complètement d'autres levels. Oh, fait nice! T'as comme t'as un autre jeu, là. C'est apparemment complètement l'autre niveau. Ben, moi, j'ai emprunté un Oculus Rift de mon travail pour faire de la job purement et uniquement. Pour faire de la job. Oui. Et faire de la recherche. Exactement. Pour tester des jeux sur lesquels je travaille et uniquement ces jeux-là. Mais, ouais, il est vraiment cool avec le touch. C'est vraiment un autre système. C'est pas la même chose pantoute. Ouais. Une fois que tu as les deux manettes touch, là, c'est un game changer. Par rapport sur de Valve, là. Sont-ils sortis? Oui, c'est des genres de. Ouais. C'est des espèces de. Bâtons. Tiens, ça ressemble à des Wiimote avec un rond sur le bout. Ouais. Je suis pas impressionné par ceux-là. Le controller du Vive? Ouais, non, mais le touch, là, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a comme des sensors dessus. Fait que, tu sais, t'as pas besoin de peser les pitons. Tu sais, comme tu en as pour les pouces, puis pour l'index. OK. Puis quand tu pèses celui du pouce, c'est comme si tu fermais ta main. Puis tu peux, genre, laisser ton index. Fait que tu as comme contrôle de main ouverte, main fermée, index. OK? Mais tu n'as pas nécessairement besoin de peser les pitons. Tu peux juste être proche. Fait que tu fais comme ça. Puis les sensors, ils savent que tu es en train de faire ça. Puis tes mains dans le monde virtuel réagissent à ça. Fait que c'est vraiment nice. C'est immersif au point où j'ai joué pendant peut-être une heure et quelques, purement pour de la recherche professionnelle. Et en sortant de ça, honnêtement, les gars, j'étais comme, j'étais allé pour pogner quelque chose. Puis, ça avait comme rewire mon cerveau. Il a fallu que je réapprenne à pogner avec mes vraies mains. T'étais tellement habitué à peser des pitons puis faire des mouvements dans le monde virtuel que, ouais. C'était spécial, là. Comme quand je jouais à Braid. OK. Là, genre, je me mettais à penser, genre, « j'ai échappé quelque chose, je pourrais me pencher pour aller le chercher, mais je pourrais juste rewind. » C'est beau, comme, il essayait de peser sur le piton rewind. Yeah. « faut que j'aille aux toilettes, mais je suis allé tantôt juste à rewinder en accéléré. » Je vais être là. « Non. » De même, ça marche. C'est fucké, hein, comment ça peut affecter nos cerveaux, des jeux comme ça. Fait que, mais attends, la manette touch, c'est qu'est-ce qui la tient dans ta main? Ben, peu importe quel piton tu es en train de peser ou pas peser, tu as toujours les deux doigts ici qui sont en train de pogner. Eux autres, ils ont pas de piton. Donc, les deux doigts ici, pour les gens qui nous écoutent à l'audio, c'est quoi? C'est le petit doigt puis l'autre doigt useless à côté. Là. Le ring finger, là, il est pas useless, il tient des bagues. C'est pas mal useless, ça. C'est lui qui fait que si tu tiens une tasse de café dans ta main, t'es capable de la faire bouger, de la faire tanguer de droite à gauche, c'est ton ring finger. OK. Je bois pas assez de café pour voir la connexion. Tu fais un verre, là, puis tu veux le faire tourner. Non, ça marche avec les deux doigts. En tout cas, ouais, ça marche avec tous les doigts, là. Genre, je vais avec mon petit doigt, puis ça marche. Mais c'est ta main complète, je pense que c'est le ring finger qui le fait, en tout cas. Qui est le leader. Ça me surprend qu'il soit un peu le leader, parce que c'est le doigt que t'as genre... C'est le doigt que la plupart des gens ont de la misère à bouger tout seul, genre. Ouais. Juste le bouger lui sans faire bouger les autres. Ou si tu tiens lui, t'as de la misère à bouger les autres, là. Tu te rappelles le test, là? Ouais. Tu mets ça par terre, puis ça bloque tout, en tout cas. Ah, ben, en tout cas. Fait que oui, lui, OK? Ouais. Fait que ce doigt-là et le petit doigt tiennent les manettes Move. C'est exact. Comme des bâtons, genre. Les autres. Non, ils sont vraiment petits, c'est vraiment naturel. Ils sont comme. Je pourrais aller en chercher une pour vous montrer, mais. Mais on verra rien. Fait que tu nous la décris. Elle reste grosse comme ça, là, dans le fond. Ouais, non, ça, fait que oui, t'as la sphère qui détecte le mouvement, genre. Ouais. La préhension de tes doigts, de ton index et de ton pouce. Yes. Mais le bâton que tu tiens. Parce que moi, j'avais essayé. Ah, OK, j'ai une bonne analogie. C'est comme, imagine ta manette Xbox ou ta manette PS4. T'as les petits bouts que tu tiens dans ta main. OK. Juste tes petits bouts-là. OK. La manette de Valve est comme ça aussi. Là. C'est comme une grosse saucisse Toulouse, mettons. Ouais, mais elle est immense, là. Ouais, ben le bâton, il est plutôt allongé. Ouais. C'est une grosse et longue saucisse Toulouse. Exact. On parle de saucisse à manger à l'épicerie, là. Mm-hmm. Mm. J'imagine que Brad et Marie sont partis à rire parce qu'ils s'imaginaient d'autres choses de gros et long. Alors, je sais c'est quoi une saucisse Toulouse, là, je trouvais ça juste un peu drôle que ce soit ton analogie qui te vient à la tête en premier, mais surtout que c'est précis, tu sais, c'est pas juste une saucisse. Mais c'est parce qu'une saucisse à hot dog, c'est gros comme mon pouce. Mais une saucisse Toulouse, c'est comme, ouais, entre deux et trois doigts d'épais, là. C'est comme des saucisses italiennes, là. Ouais, ouais. Ah, ben c'est dit Toulouse, mais c'est ce que je voulais dire, là, les grosses saucisses. Mais en gros, ce qu'on veut dire aux auditeurs, c'est d'écouter le podcast à l'épicerie autant que possible, puis dans le coin des saucisses. Ça va. Vous allez là. Pourtant, on n'est pas en mars, on n'est pas le saucisse mars. Fait que, je ne sais pas pourquoi tu me parles de pourquoi ça m'est venu à la tête, cette analogie, mais... Est-ce que tu voudrais faire une analogie plus végétalienne, par exemple, en expliquant que c'est la grosseur d'une courgette de taille moyennement petite? Quelque chose comme ça. Non, une courgette normale. Un concombre. Un zucchini. Un zucchini, ouais. Ah, ok, ouais. Il me semble qu'on a déjà parlé de courgette et de zucchini. Ah oui, c'était parce qu'on parlait du spaghettizer. Du spaghettizer. Ça sort d'où ça, le spaghettizer? Ma blonde est dans le salon. Il est comme, oh God, vous n'avez pas encore parlé du spaghettizer. Aïe, aïe. Hey, on a juste une vie, là. Pas le temps de niaiser. Bref, c'est un ustensile, c'est un outil de cuisine que Narf apprécie, mettons. Parce que tu mets une courgette dedans, puis ça devient des spaghettis. Et ça s'appelle un spaghettizer. Ah bon, mais OK. N'importe quoi dedans, ça devient du spaghetti. Mais avec une courgette, ça va mieux. Par exemple, on a fait un concombre tantôt, puis on a mis de la sauce à spaghetti dessus, puis c'était bon. Un thai zucchini. Ouais, c'est comme un thai crayon, mais pour des légumes. Nice. I need that. Sean, tu peux écouter un podcast là, à peu près 6 mois. Ou je pense que si tu vas sur onajustunevie.ca, et que ouais. Tu tapes spaghettizer dans la barre de recherche en ne te trompant pas sur l'orthographe. Bien sûr. Là, tu vas tomber sur les nombreux épisodes où on en a parlé. T'es-tu tagué? Je sais pas tagué, mais il y a des. Les mots, il y a. Je suis sûr que c'est dedans. Puis comme on en a parlé plusieurs fois. Pendant plusieurs minutes. Ouais. On a juste une vie, on est un podcast sérieux et éducatif. Avec un segment bouffe. C'est surtout un podcast qui vient toujours dans son sujet sans sortir. C'est vraiment gaming seulement. C'est focus. OK, guys, là? Guys, we need to focus. OK, guys, là? Oh oui. Non. Voilà. Merci. Aïe. On est en train de rire de moi encore dans le salon. Ben, je la blâme pas. Ça blâme pas. Okay. Bref, super hot. Est-ce que c'est super hot? À des super hot. Que tu tiennes des saucisses dans chaque main puis que tu les. On fait-tu un vote? Quoi? Est-ce que super hot est super ou hot? Oh, est-ce qu'il est plus super ou hot? Ouais. Tough, hein? Probablement un petit peu des deux. Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai hâte d'essayer ça un jour. Non, c'est hot. C'est hot? Ah, OK. Tu vois, moi, j'aurais dit super. Ah, toi, tu dis super. C'est vrai que c'est pas mal super aussi. Ouais, hein? Ouais. On a besoin de blob pour un tiebreaker potentiel. Mais on est trois. Comment ça peut être un tiebreaker? Hey, écoute. Ce que j'allais dire. Check l'autre, là. Ça va devenir un tie. Ça va devenir une égalité. Je pensais que c'était hot, mais en même temps, vous me convainquez que ça doit être super. Ah, c'est ça. C'est 2-1 pour une raison, là. Mm-hmm. C'est ça. Bon, tu vois, il n'a même pas joué, puis il est d'accord que c'est super. Fait que, le vote gagne. Le super hot est super. Ouais. Le early prototype, le Game Jam version, c'est ça que j'avais joué. OK. Et c'était très super hot. Ah ouais? Ouais, hein? Ouais. Ah, c'est nice. Non, honnêtement, j'ai le concept. J'ai fait plein d'affaires, puis le mode VR est assez impressionnant. Hey, je savais même pas que c'était un jeu différent. Il faut que j'essaie ça. Mm-hmm. Ah, c'est pas juste comme un mode VR, c'est vraiment super hot VR, comme si c'était cool. Un autre jeu. Ouais. Et ça, c'est un jeu sur Steam. Est-ce que c'est compatible juste avec Vive ou ils le font avec Oculus aussi? Tu peux regarder pour tous les jeux VR sur Steam. Si tu regardes dans la barre à droite, quand tu regardes la page du store, là, il y a des tags qui te disent genre Gear VR ou non, Oculus. Et surtout? Surtout? Valve. Ouais, mais lui, je pense qu'eux autres, ils ont été big shot puis ils ont mis toutes. Ouais, why not? Parce qu'il est sur PS4 puis il est sur le Oculus Store. Oh wow! Nice! Je pense que je l'ai eu gratuitement quand il était dans Humble. Pour vrai? Ouais. Ah ben c'est vrai, ça fait un bout qu'il est sorti quand même. C'était quand même un bon... C'était quand même un bundle qui était super hot. Ouais. Et puis c'était même pas le jeu principal. Je pense qu'il est venu dans le même que The Witness. Ouh. Ouais. D'un côté, c'est très cérébral, et de l'autre côté, c'est cérébral au ralenti. Exactement. That's it. Mm. Tu sais, qu'est-ce qui est intéressant avec Superhot, c'est pas juste bouger qui fait que la vitesse, que le temps accélère, c'est même tourner la tête. Mm. Fait que tu peux pas te permettre de prendre trop ton temps puis dire, OK, je vais tout analyser. Tu sais, shooter, par exemple. Tu sais, bouger ton doigt assez pour prendre un shot. Ça aussi, ça fait bouger le temps. Juste, mais moins. En tout cas, dans le démo, je me suis dit que tourner, c'était pas autant que marcher. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est pas gratuit non plus. Genre, si tu tirais un bullet, puis là, il arrêtait devant l'autre personne, tu faisais juste comme tourner ta tête un petit peu pour faire avancer le bullet. Ouais, c'est vrai. Pour le finir. C'est bien drôle. Yeah. Ouais, pour faire du mouvement de précision. Une chirurgie de tuage. Ah, une chirurgie de meurtre. C'est vraiment nice. Tu sais, t'essayes... Après un bout, t'es habitué, t'es capable de shooter devant le gars avec assez de lousse pour que quand que la balle arrive, finalement, tu y pognes direct entre les jambes. Ça, ça prend de la pratique, mon homme. Hey boy! Eh ben, hein, il faut qu'on s'amuse dans le jeu. Fait que, mais non, finalement, ça venait pas avec la version VR. Non, ben c'est vraiment un jeu, là je voulais être sûr que je t'avais pas dit démentrer, là. Non, c'est vraiment un jeu à part parce que c'est pas du tout le même jeu. Ouais, ouais. Ah. C'est un autre jeu qui venait avec la version VR, c'était Abduction, qui est un peu weird comme jeu. OK. Ça, j'ai jamais entendu parler d'Abduction avant que je l'ai eu dans mon Humble Bundle. C'était... Okay. Moi, je n'avais entendu parler dans le Kickstarter. Ouais. Oh! Il y avait un Kickstarter pour. Il y a eu un Kickstarter pour ça. Nice. Et alors, ça avait l'air vraiment sketchy comme Kickstarter, fait que j'étais comme non. Ah ouais? Déjà que je suis pas fort sur les Kickstarter pour commencer. Ben, est-ce qu'ils ont indiqué dans le Kickstarter que c'était par la même équipe qui avait fait Myst? Ouais, ouais. Ah ouais? Oh, okay. Mais le problème, c'est que j'ai regardé ça puis j'étais comme guys, on dirait que vous avez pas évolué depuis 30 ans. OK. Depuis 20 ans. Je suis pas sûr que je veux mettre de l'argent là-dedans tant que j'ai pas un journaliste ou quelqu'un qui a joué puis qui me dit que genre non, c'est bon. Parce que genre, je suis pas sûr. OK. À ce point-là, hein? Ben, quel est toi ton verdict? Yeah, un peu ça aussi. C'est comme... C'est le fun, c'est parce que c'est comme Myst, il y a des puzzles, mais il manque de quoi, tu sais. Myst, j'ai adoré, je comprenais absolument rien, j'étais super jeune, il fallait que je revisite le jeu genre 10 ans plus tard pour dire, ah, bon, il faut faire ça, pour faire déclencher ça, là, tu sais, tu déclenches ça, puis tu te rends compte que, encore une fois, tu comprends rien. Fait que tu le revisites un autre 10 ans plus tard. Fait que là, je suis dans mes trentaines. Fait que je suis capable de jouer Myst. je me dis. Tu l'as déjà visité 10 ans plus tard 2 fois. Fait que là, tu sais, il me semble que j'avais comme 10 ans après ça dans ma vingtaine. Ouais, à peu près 2 fois. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était cool, c'était mystérieux, c'était le premier de son genre. Là, il faut vraiment. Tu sais, on est 2000, c'était peut-être 2015 quand ça sortit, là. Il faut vraiment, genre, up ton game. Il faut monter la barre. Il faut faire quelque chose de comme, oh, wow, ils ont pris Myst, puis ils ont fait ci, puis ça. Puis c'est comme, ils ont mélangé Myst, puis X, puis ça a fait ça. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont vraiment recyclé le même feeling, les mêmes visuels. Tu sais, comme le monde dans Myst, c'était weird un peu. Je sais pas s'ils font comme hommage ou throwback ou ils pensaient que c'était cool comme ça. Mais le monde dans Myst interagissait avec toi de façon comme préenregistrée. C'était toutes des vidéos. Ou un vidéo dans un livre. Ou un vidéo dans un gros bassin de liquide noir. Ou, tu sais, tout plein d'affaires étranges comme ça. Et c'est un peu pareil ici, excepté que c'est des hologrammes où quelqu'un vient ouvrir la fenêtre d'une porte, mais c'est pas lui, c'est comme un vidéo de lui qui a ouvert la fenêtre de la porte, tu sais, c'est comme, ça fait pas de sens. Mais je pense qu'ils ont trop allé pour le même feeling. Puis ça m'a pris genre 1h15 pour faire le deuxième puzzle, puis c'était juste parce qu'ils n'ont pas assez travaillé sur le gameplay que quand je l'avais essayé la première fois, ça n'a pas marché. Oh non! Ouais! Oh non! T'sais, fait que là, j'étais comme vraiment comme, ah, oh, okay, OK, les gars, là. Ouais. OK, vous perdez des points, là. Ouais. Mais tu sais, j'étais encore curieux pour explorer plus parce que je vois que ça veut s'en aller à quelque part, mais ils sont chanceux que je suis patient. Tu sais, on va juste dire ça. Il aurait pu mieux faire pour rentrer le monde, pour pogner leur attention puis le garder. J'ai comme l'impression que j'aurais plus de fun à regarder quelqu'un jouer plutôt qu'à le jouer moi-même. Mais quand c'est trop obscur comme puzzle, puis non, tu sais que ça streamer. Va être frustrant. Là. Ouais, mais je pense pas que tu t'aurais amusé à me regarder 1h15 aller en cercle, puis il n'y a pas grand-chose là. J'étais comme, ça se peut pas que je manque quelque chose. Je faisais juste tourner en rond. OK, non, j'ai checké ça. J'ai faut checké pas que tu ça. Regardes un streamer, faut que tu regardes quelqu'un qui a fait du montage sur son vidéo. Ouais, exact. Tu veux pas regarder le thought process là-dessus. Ouais, parce que honnêtement, là, moi, après avoir passé 5-10 minutes à tourner en rond, je suis comme bon, on va aller sur YouTube voir c'est quoi la réponse. Là, tu te rends compte que c'était évidemment le truc que tu avais essayé au début mais qui a pas marché. Ouais. Ou tu sais, dans d'autres jeux, c'est genre le truc que j'aurais jamais trouvé parce que c'est comme caché de telle manière que... Mais honnêtement, j'ai vraiment de la difficulté à faire ça avec des jeux de puzzle parce que la sensation de « Ah, oh, je l'ai finalement eu! » Ça vaut tellement la peine. Ouais, mais à condition que... Parce que, non, je te dirais plutôt qu'à chaque fois que j'ai à faire ça, mon feeling, c'est pas... Genre... C'est comme si mon feeling, c'est je l'aurais jamais trouvé. OK. Maudit dev poche, vous auriez dû faire ça mieux. Fait que okay. Si j'avais passé plus de temps, j'aurais juste été plus fâché et potentiellement abandonné le jeu. Ou j'aurais fini par l'avoir, puis là j'aurais fait comme voir que c'était ça. C'est donc bien nickel. Tu vois, mais c'est la différence. Ouais. C'est que dans un cas. Mettons dans le cas de Portal, là, qui est mon exemple qui me vient à l'esprit rapidement, où là, tu as le moment, la petite sensation comme que tu décris de c'est le fun, j'ai trouvé moi-même la réponse. Ouais. Ça, c'est parce qu'il a été bien balancé, il a été bien playtesté. Ils ont tout éliminé les cas louches pour te donner ce feeling-là, puis que tu sois pas perdu, puis que c'était pas tiré par les cheveux. Genre, la solution est logique. Ouais. Alors que dans les cas où c'est moins bon, la solution est illogique ou cachée d'une manière que je l'aurais jamais trouvée. Et je pense que c'est un bon exemple. tu sais, Portal, parce que qu'est-ce que t'as dans Portal? T'es dans une salle, t'as X, Y, Z comme objet, tu sais qu'il faut faire quelque chose avec ces objets-là pour sortir de la porte. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de surprise, là. Il ne faut pas taper un code secret, c'est vraiment, tu utilises qu'est-ce que tu vois. Tous les éléments du puzzle sont visibles, j'allais dire accessibles, mais non, ils peuvent ne pas être accessibles, mais ils sont, genre, tu sais où ils sont, mm-hmm. ou tu sais, ou s'il y en a un qui est caché, au moins tu sais qu'il faut que tu te rendes là, parce que je peux penser, dans Portal, souvent, c'est comme, tu vois une corniche, puis là, tu sais que tu pourrais aller sur la corniche d'une certaine manière, puis là, quand tu te rends, tu trouves un cube, mais genre, tu savais pas qu'il allait avoir un cube, mais tu savais qu'il y avait une corniche. Ouais, c'est ça. Ça, ils ont bien balancé. Tous les éléments, les morceaux du puzzle sont tous là. Plutôt que de dire, ah, on va faire un puzzle à 50 pièces. J'ai caché les morceaux dans tout ton appartement. Ouais, c'est ça. Ouais, fait il y en a un qui est pépé en dessous de la table. Ou non, j'ai voici un morceau, un casse-tête, mais je te dis pas qu'il manque un morceau. Puis je te dis pas que je l'ai caché quelque part dans ton appartement. Fait que là, tu vas arriver, tu vas faire le puzzle, tu vas « Ah, il manque un morceau, c'est plate. » Ouais. Puis ou là, encore pire, voici un morceau de papier. Je vais sur YouTube chercher la solution, puis là, genre, la solution, c'est que Naf l'avait tapé en dessous de la table. Genre, genre nice. Non, fuck you. Et voilà le problème avec Abduction. Ah ouais, c'est vrai de ça. Parce que c'est pas clean, c'est pas une salle carrée avec X, Y, Z comme objet. T'es comme dans une place étrange qui est comme à moitié extraterrestre, à moitié western. Okay. Parce que le concept de abduction, c'est que tu te fais abducted ou tu penses ou t'es pas sûr. Voilà le mystère de l'histoire. OK. Dans une place qui a genre été créée pour justement pour être capable de soutenir la vie humaine, mais tu vois que tout autour, c'est pas un espace vivable par des humains. C'est tout weird, c'est tout étrange. L'air a de l'air pollué ou mauve, en tout cas. Mais dans le petit bout qui est habitable, où tu peux respirer, c'est comme une ville western. Puis là-dedans, c'est quand même étrange comment ils ont décidé d'étirer la première partie. Il y a plein de places où tu peux aller, mais il y a comme pas grand-chose que tu peux faire. Fait que quand tu frappes un mur, comme j'ai fait avec la mousse de choses qui m'a pris plus qu'une heure, je suis sûr que c'était plus comme 2 heures, là. Mais en réalité, c'était probablement 20 minutes. Mais on sait comment on se sent dans ces moments-là. Le temps semble s'étirer. Ouais. Peut-être. Mais tu sais, quand ils te donnent trop d'espace, et c'est pas clean non plus, ça m'a pris un bout pour mémoriser. OK, est-ce que je suis allé par là? Tu sais, trouver orienté un peu. Puis tu sais pas c'est quelles choses qui vont être importantes. Il y a des choses qui ont l'air super cool, le fun, comme des lasers, mais ils sont juste là pour être un laser. Okay. Ils font rien. Ils font plus compter une histoire que ouvrir des portes. Fait que, ouais, c'est du balancement que Portal a bien eu, qu'eux autres, ils ont manqué leur coup. Tu sais, l'autre fois, on parlait de Witness. Je pense que justement, c'était un truc que les devs y avaient fait attention. Cet aspect-là particulier, ça se peut-tu? Je pense que ça, c'est un jeu, et je vais me répéter, c'est sûr, là, qui est j'adore le jeu, super bien balancé, ouais, The Witness, ouais, vraiment bien. Les autres, ils ont balancé ça d'une certaine façon que tu peux y aller, et je pense que c'est Blob qui a mentionné ça l'autre fois, que tu peux y aller de plusieurs façons des fois, et même ça se peut que tu te rendes même pas compte, mais t'es allé une direction à cause de la façon que t'as résolu le problème, mais c'est pas nécessairement la seule façon de le résoudre. Et ça se peut que t'aurais pu débloquer une autre direction qui t'aurait amené à quelque part d'autre. Ou des fois, c'est nécessaire de faire les deux, puis tu te rends pas compte tout de suite que le puzzle avait deux solutions. Fait que ça, ça fait partie du génie que je trouve de Witness, c'est que pas nécessairement une seule façon de faire, mais quand tu as besoin, quand c'est une patte directe qu'il faut que tu prennes, c'est clair qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu as ton carré, ta ligne de rentrée puis ta ligne de sortie, tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Là, il ne faut pas aller à l'autre bout de la map puis revenir. C'est direct devant toi. C'est un peu comme les... Genre, je pensais justement, tu sais, je parlais du Escape the Room que j'ai fait l'autre fois, là, chez Escapaz. Puis tu vois, c'était ça, là, la fille, au début, elle nous disait comme... Elle mettait des barrières, elle disait genre... Ben, pas des barrières, mais elle nous expliquait les limites du jeu. Genre, ça, c'est dans le jeu, ça, c'est pas dans le jeu. Genre, il y a des affaires qui sont cachées, mais on n'a pas... Vous n'aurez pas besoin de démonter les meubles. Vous n'aurez pas besoin de ouvrir chacun des livres de la bibliothèque, c'est juste de la décoration. Vous n'aurez pas besoin d'enlever le tapis. Okay. Elle disait, ça, c'est les limites, les frontières du jeu. Le jeu va jusque-là, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Mm-hmm. Un jeu vidéo aurait juste fait que tu cliques sur le tapis puis ça fait rien. Fait que là, tu aurais compris que le tapis fait rien. C'est ça. C'est comme mais dans ces maudits jeux-là de puzzle, là, c'est genre, tu cliques sur le tapis, ça fait rien, mais peut-être qu'il fallait que tu fasses d'autres choses. Ouais, bon, c'est là. Mais tu vois, c'est là que c'est... Le tapis a un motif. Ouais, il fallait que tu caresses le tapis. Tu l'as cliqué, il fallait le caresser. Ouais. Il fallait que tu marches dans la bonne direction sur ton tapis pour voir un motif qui va apparaître juste si tu le regardes dans le bon angle, dans la bonne direction. Ouais, mais ça, c'est cool! Ouais. S'il y a au moins quelque chose dans le jeu avant qui te dit que ça serait une bonne idée de faire ça. Voilà mais la c'est clé. Ça. Ouais. C'est genre ça. Genre, tu sais, comme là, dans le film d'Indiana Jones, là, quand il se met à chercher les. Tu sais, il y a une scène. Là... Lequel? Je sais pas, mais le film d'Indiana Jones, je sais pas. Lequel des trois? Parce qu'on s'entend, le 4, c'était pas un film d'Indiana Jones. C'est genre le seul que j'ai vu, bon. Je pense. Oh non. Le seul film d'Indiana Jones que j'ai vu au complet, c'est celui que le gars, il rentre sa main puis il arrache le cœur. Oh yeah! On m'a dit qu'il était pas bon. Puis effectivement, je l'ai trouvé pas bon. Mais quand t'es un kid puis tu regardes ça, là, c'est légendaire. Ouais, mais c'est surtout très dégueulasse quand tu le regardes là, quand t'as 20 ans. Donc, pas celui-là. Il y a un autre film où il y a une scène où il voit des numéros dans la bibliothèque, puis là, le dernier numéro, c'est le tapis, genre. Il faut qu'il monte un escalier pour le voir. Je pense que là, il pète une tuile pour pouvoir rentrer. Exact. Tu vois, ça, c'est cool. Yeah. À condition qu'il y a quelque chose qui pointe vers ça. Genre, si tu sais qu'il faut que tu cherches des chiffres, justement, dans la scène, c'est ça qu'il fait. C'est qu'il commence, il voit un chiffre, après ça, il voit un autre chiffre, puis il fait comme « Oh, attends, je vais continuer la suite. 1, 2, 3, 4, oh shit, 5, 6! » puis là, ça fait un tu sais, ça pointe, ça t'amène tranquillement à le puzzle qui est plus difficile, qui est « Il faut que tu montes en haut pour voir que le plancher était un gros chiffre, genre. » Yep. Exactly. Mais au moins, tu sais que tu cherches des chiffres. Tu sais où les chercher parce que, genre, tous les chiffres sont dans la même pièce. C'est pas comme si le 10e chiffre, il était dehors. Tu vois, ça, c'est une clé. Et je pense que tous les designers de jeux de puzzle devraient prendre ça comme la clé d'or. Pour un jeu, il faut faire une introduction graduelle au concept du jeu. C'est juste nécessaire. Portal, comme tu as dit, ils font, c'est super bien fait. The Witness, excellent la façon qu'ils l'ont fait. Abduction, mon homme, chaque puzzle, c'est tellement sa propre affaire là, que c'est même pas un puzzle, c'est juste, est-ce que tu vas regarder au bon spot ou comprendre qu'est-ce que moi je pensais quand j'ai mis ça là? Tu sais, et il y a des éléments cool autour de ça. Et j'aime le fait que c'est les gars qui ont fait Myst. C'est un jeu de puzzle, mais ils perdent des points parce que les liens logiques ne sont pas là. Okay. On s'en souvient pas, mais Mist pis Riven étaient de même aussi, là. Ouais, moi aussi, je trouvais pas ça facile. Genre, dans Riven, là, dès le début, il y a comme une salle que moi, mon ami m'avait montrée. Fait que moi, c'était évident. Genre, il y a une espèce de truc avec une porte. Puis là, il y a des espèces de boules décoratives que c'est des petites lanternes dans un jardin. Puis là, faut que tu saches que si tu cliques sur le petit point au top de la boule, ça fait sortir un petit bâton, puis ça ouvre la porte. Genre... Ouais, moi, mon ami me l'avait montré, fait que c'était évident. Ouais. Mon père, quand il a joué, full de temps avant d'arriver à ce bout-là, puis à un moment donné, c'est juste moi, genre, ah, mais là, va là, puis il fait comme, qu'est-ce qu'il y a là? Je suis pas capable de rentrer. Je me dis, là, le piton, il est là. Il fait comme, voyons donc! Ouais. Calice! Je suis supposé deviner ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Tu cliques sur le pixel. Oh boy. Ah, c'est pour ça les jeux point and click, là, je suis pas capable. Les bons jeux, un que je me souviens que j'avais aimé, comment que c'était? Je pense que c'était Jolly Rover. Celui-là, il était cool. Jolly Rover. Ouais, ouais, je pense que tu as déjà parlé de ça. Ah, sûrement, parce que c'est un... Mais les moi, j'ai pas joué. Souvent, tu sais quels objets avec lesquels tu peux interagir. Dans Jolly Rover, qu'est-ce qu'ils font? C'est que si tu tiens la barre d'espace, tous les objets interactibles s'illuminent. Okay, excellent. Ouais. Excellent. Suite. Qu'est-ce que tu peux interagir avec? La seule place que j'ai été réellement vraiment bloqué, que j'ai été obligé d'aller... cheater. Non, il y a des indices dans le jeu, ça je trouve okay. Ça très cool d'ailleurs. Il faut au moins que tu ne sors pas du jeu. La seule place que j'étais bloqué, c'est une place que c'était du sable. Fait que l'illumination qu'ils mettaient par-dessus était comme la même couleur, fait que je ne le voyais pas que c'était illuminé. Fait que je cliquais pas dans le sable. Ah, ok. Quand tu le sais, c'est comme, ah oui, je le vois un petit peu quand je pèse sur la barre d'espace, mais genre, c'est facile de le manquer. Fait que tu vois, okay. c'est le truc que tu peux manquer. C'est... Mécanique assez intéressante pour ce genre de jeu-là. Ah ouais, que... non, moi, c'était pas un jeu... C'est pas le seul jeu qui fait ça, je suis pas sûr. Non, sûrement qu'il y en a d'autres. Peut-être pas le seul, mais c'est pas assez commun, d'après moi, dans les point and click, là. Tu sais, il y a déjà un puzzle, il y a déjà un ordre qu'il faut que tu essaies de faire. Mm-hmm. Je veux pas que trouver le bon spot où cliquer fasse partie de ça. Ouais, moi, je joue beaucoup à des point and click, puis j'ai déjà l'habitude de balayer efficacement ma souris partout sur l'écran pour voir qu'est-ce qui flash. Oh mon dieu, des habitudes de... Yeah. OK. Si en balayant, il flash, au moins il y a ça. Mais ouais. Avoir besoin de cliquer dans le vide puis pas savoir ça. Premièrement, ça me fait mal aux doigts. Ben, tu cliques en mongol, là. Ouais. C'est ça. Puis, je sais pas, ça casse le rythme du jeu aussi, ouais. Tu sais. Ouais. C'est pas fou. C'était quoi un autre bon point and click? C'était Escape from Monkey Island, me semble. C'est un des vieux, là. Ouais. J'ai jamais joué. Vraiment trop jeune pour avoir connu ça. Mais ça a de l'air chouette. Mais j'en ai essayé un cette semaine, un jeu dans ce genre-là. Ah oui? J'ai sorti des boules à mythe. Ben, j'ai jamais touché à ça de ma vie, là, mais je sais que c'est quand même assez vieux. 98, Grim Fandango. OK, wow. Ah oui. J'ai essayé ça, puis c'est plein de ces problèmes-là, mais c'est vraiment fun. Okay. C'est-tu le remaster? Ouais, j'ai essayé la version remastered qui est essentiellement pareille, mais je veux dire, il y a des nouveaux shaders, puis la résolution est bonne. Mais ouais, j'avais entendu ça, je pense, quand c'est sorti, que genre, c'est le même genre de jeu, fait que les puzzles sont apparemment vraiment obscurs. Ben, ça peut. Okay. je vais vous expliquer là, où j'ai bloqué, puis on va voir ensemble c'était quoi le problème avec tout ça. Là. OK. C'est un jeu à essayer si vous avez accès, parce que le voice acting est merveilleux. Le concept est super bon. Tu joues un Reaper dans une ville des morts, puis quand les gens y meurent, faut que tu leur fasses des packages de voyage pour aller vers le repos éternel. Selon la vie qu'ils ont eue, ça leur donne accès à un certain budget de voyage. Fait que là, ben, wow. C'est que le personnage Manuel,

falloir qu'il marche jusque-là. Mais lui, c'est sûr que pour son agence, il voudrait être capable de vendre des croisières puis des rides en auto, parce que s'il réussit à faire ça, lui, ça va y rembourser son passage. Sinon, il est pogné dans la ville des morts pour toujours. Okay. Ah. Puis, ben, c'est quand même assez drôle. Ça commence qu'il y a comme à peu près personne en ville, probablement pour simplifier les choses. Mais la raison pourquoi il y a personne en ville, c'est parce que c'est le Day of the Dead. Fait que tout le monde, les morts, sont partis visiter leur famille. Oh. Ah. Oh. Apparemment, toi et quelques autres, vous avez personne à aller visiter. Là. Fait que c'est comme si tous les squelettes sont revenus pour aller voir leurs proches. C'est donc bien cute. Ouais, c'est pas cute. C'est très drôle. Puis, c'est basé un petit peu dans la culture mexicaine, justement, parce que c'est, ouais, c'est une fête qui vient de leur culture. Puis les personnages, ils ont des noms, sonorités, puis des accents tout le temps comme sud-américains. C'est okay, plaisant. C'est un petit peu des paysans, puis c'est cool. Ce jeu-là, c'est un jeu de ramassage de cossins et de donnage de cossins à la bonne personne ou au bon truc pour que ça fasse qu'est-ce qu'il faut. OK. Un des premiers puzzles difficiles que j'ai rencontrés, mais que j'ai presque trouvé tout seul, c'était celui des produits chimiques. Fait que tu gosses un petit peu, puis après un bout de temps, tu trouves qu'il y a un endroit où est-ce qu'il a mis un petit monsieur dans un cercueil pour être shippé par la poste. Fait que là, lui, c'est juste ça qu'il fait payer, c'est d'être shippé par la poste dans un cercueil. Puis pour faire ça, il est rempli avec de la mousse isolante que le petit bonhomme, il ne peut plus bouger. Là, toi, il faut que tu prennes cette mousse isolante-là qui est dans deux produits séparés puis que tu fasses bloquer une machine. Pour deviner ça, j'ai vu que tu pouvais utiliser ces deux hoses-là pour faire une espèce de sprout solide sur la table puis après ça, tu le pitches. Fait que je me suis dit, ah, les deux hoses servent à quelque chose. Il y a un petit monsieur dehors que depuis le début du jeu, il vend des ballons, des chiens en ballons. Tu peux demander des chiens, tu peux demander des chats, tu peux demander un acteur célèbre. Ou tu peux demander un verre mort. Puis, il dit, « Ah, les verres morts, tu peux en avoir plus qu'un, là, je t'en donne à l'infini, si tu veux. » J'ai tout de suite allumé que, comme tu as le droit d'en avoir plusieurs, c'est probablement celui-là qui est utile pour résoudre l'affaire. Ouais, pas facile. Et puis, fait que là, il dit, « Ah, ben j'ai un contenant, je vais essayer de les remplir avec les solutions. » Comme de fait, je peux les remplir avec la solution, mais là, je ne savais pas quoi faire avec mes ballons pleines. J'ai tourné en rond longtemps. Apparemment, il y a un endroit où tu peux envoyer des messages, mais tu n'as pas de message à envoyer. Et si tu es brillant, tu vas essayer tous les items, par exemple un extincteur ou un pain, puis le pain, ça fonctionne. Hein? Ouais. Sauf qu'il n'y a pas juste le pain qui fonctionne. Fait que si jamais ça donnait que tu avais un pain, puis tu vois qu'il marche, tu dis « Ah, mais je vais essayer les autres affaires qui ont la même forme. » Par exemple, les ballons remplis de produits. Si tu envoies les deux ballons avec les deux produits différents dans le système, ça fait une espèce de grosse glue, ça bloque le système, puis un bonhomme qui va le réparer. Mais ce bonhomme-là, tu sais que tu as quelque chose à faire avec lui parce qu'à un moment donné, tu fais juste passer, puis il y a une cinématique où est-ce qu'il dit que le système est tout le temps bloqué. Puis là, il s'en va. Ouais. OK. Tu sais, j'avais réussi à deviner qu'il y avait quelque chose. Les indices sont là, mais ne sont pas tout le temps parfaits. Là où c'est vraiment, vraiment bloqué, il y a deux affaires. Il y a la secrétaire sur sa table. Si tu approches avec le bon angle, la caméra elle change, puis tu vois qu'il y a plein de pinouches sur sa table. OK. Si tu regardes bien, des pinouches blanches. Si tu regardes très bien, tu vois qu'il y a une poinçonneuse qui fait des trous. OK. Si tu es très intelligent, tu te dis, ah, peut-être que je pourrais utiliser le paquet de cartes pour percer le truc, percer mes cartes, puis faire des trous dedans. Ouais. Pourquoi tu veux faire ça, donc? Parce que si tu as regardé encore mieux, le réparateur de la machine, il a mis une espèce de truc en métal avec des trous dedans dans la machine pour bloquer les messages. Puis il y a vraiment, genre, la caméra change pour que tu le vois, mais tu le vois pas. Oh, wow. La caméra change pour que tu le vois. Fait que tu as besoin de cet item-là. Ça, c'est super difficile de trouver qu'il fallait que tu fasses ça. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est que le petit bonhomme, le réparateur, c'est le seul qui est capable d'ouvrir la porte pour rentrer là-dedans, puis il te bloque le chemin pendant qu'il répare. Fait que là, j'ai dû bloquer la machine genre 6-7 fois en essayant de trouver ce qu'il fallait que je fasse pour être capable de rentrer. Ben, il faut que tu barres la porte pendant qu'elle est ouverte parce que la barrure de la porte fait que la porte, elle ne ferme pas au complet. Tu sais, c'est okay. Un deadbolt qu'on appelle. C'est le petit truc qui dépasse de la porte. Puis, ben, à aucun moment, j'ai remarqué que tu pouvais interagir avec ça. Ben, à ça aucun moment, petit. J'ai vu que mon petit manuel, il tournait la tête vers ça. Parce que si tu es attentif, il va tourner la tête vers les choses importantes. Ah, c'est cool, ça. Fait que quand tu sais pas vraiment quoi faire, tu te promènes dans le lieu, tu regardes si Manuel tourne sa tête vers des choses. Oh, boy. C'est un beau petit détail, je trouve. Et ça, ouais. C'était vraiment tough. Il y avait ça dans Zelda Wind Waker. Link tournait sa tête puis ses yeux. Mais tu sais, quand tu faisais ça, genre, tu faisais comme... Et là, tu regardais vers quoi qu'il regarde. Et là, c'était comme gros comme une face. Et là, tu es comme, ah, c'est ça. OK, good. C'est évident. C'est pas genre comme, il regarde le petit détail, puis là, tu regardes, tu fais jouer rien. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde-tu le bureau? Il regarde-tu le paquet de cartes? Il regarde-tu... Ouais, je comprends. Wow. L'autre truc, après toute cette frustration-là... T'as réussi à débloquer tout ça? Est-ce que t'as continué à jouer? Ben, la carte poinçonnée puis la barrure de porte, j'ai dû trouver ça dans un FAQ parce que c'était juste trop tard. Puis après ça, j'ai continué à garder le FAQ pas loin parce que je trouvais que ça valait pas la peine de tomber dans autant de bullshit juste pour entendre les dialogues. Puis j'avais vraiment envie d'entendre les dialogues puis voir les événements du jeu. OK. Fait que le prochain truc stupide, c'était de nourrir des pigeons morts en squelette. Nice. Et puis, j'avais deviné qu'il fallait mettre le pain, parce que t'as le pain de tantôt. Si t'en emmènes un sur le toit, tu peux l'émietter dans une espèce de soucoupe en métal, puis là, ils viennent manger. Mais à toutes les fois qu'ils venaient manger, ils m'attaquaient, puis je trouvais pas pantoute quoi faire. Fallait le pain, tu l'avais pas envoyé par la poste, là? Ah, mais ça, les pains, tu peux aller t'en chercher plein. Ah, OK. Ah, c'est des pains à l'infini, fait que c'est important. Pendant que dans l'afterlife, il y a du pain. Ouais, c'est le bread of the dead. Ah! C'est ça, tu vas chercher du pain, mais la solution, c'était de mettre le chat en ballonne en dessous de ton pain avant de mettre le pain. Hein? Parce qu'elle a attaqué ça? Mais c'est parce que quand tu mets le chat en ballonne en dessous puis que les pigeons, ils mangent, ils voient le chat, puis ils croquent dedans, puis là, ils pètent, puis tous les pigeons, ils ont peur. Ah! Nice. Pourquoi tu faisais ça déjà? Parce que faut que tu ailles. Ah oui, c'est ça, tu as un groupe d'agents secrets qui veulent renverser le gouvernement des morts. C'est parce qu'il y a un truc avec les morts. Il y a une raison pourquoi tu pognais tout le temps les mauvais clients. Il y a quelqu'un qui vole l'argent des clients pour donner des meilleurs afterlife à des gens qui ne le méritent pas nécessairement. Aha. Il y a même un gars qui tue les gens morts. Il leur tire quelque chose dessus qui fait qu'il leur pousse des fleurs. Ils sont comme remords plus morts. What? Je comprends pas trop pourquoi, mais c'est le même principe que quand ils vont se baigner dans Bob l'éponge. Ils sont déjà sous l'eau, puis ils vont... Il y a une plage, là, puis ils boivent des choses, là, qui tiennent dans des verres. Mais c'est ça, là. Dans Grim Fandango, t'es mort, mais tu peux mourir. OK. Ben, tu sais, eux-mêmes, ils font la joke. Hein, comme quoi, c'est bizarre de mourir quand t'es déjà mort. OK. Ouais. Au moins, ils se rendent compte. Ouais. Parce qu'il y a un afterlife après le afterlife. Ouais, sûrement. C'est comme un after-after. Fait que, en tout cas, le groupe d'agents secrets, il avait besoin des œufs de pigeons parce que le meilleur moyen de communication, c'est les pigeons voyageurs. Fait que, il dit que t'as besoin d'avoir les œufs pour les élever quand ils sont petits. Ah, OK. Oh my god! Il n'est pas capable! Cette logique de puzzle game! Ah non, c'est trop! Tu vois, là, je comprends qu'après un certain point, tu tiennes le FAQ assez proche, ouais. Parce que c'est vrai que c'est vraiment le fun des jeux comme ça, parce que lui, comme Dave the Tentacle aussi, ça, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment concentré sur le visuel, l'histoire, le dialogue. Mais c'est un point and click que souvent tu vas être comme OK, je m'en vais où là? Je fais quoi avec ça? Tu sais, après une demi-heure, t'as pas entendu de nouveau dialogue. Tu t'en vas en cercle. Fait qu'avec le FAQ, au moins, tu es capable d'avancer quand tu es pogné, puis tu sais, t'amuser à jouer le jeu à place de frapper la tête contre le mur. Parce que honnêtement, les solutions, tu te sens pas si super brillant que ça. Tu as juste l'impression que oh, j'ai été chanceux parce que j'ai pensé la même affaire que le designer. Ouais, c'est ça, hein? Genre, je n'ai pas manqué les indices. Okay. Non, mais... C'est la raison pourquoi je trouve que Jolly Rover, c'était meilleur que Monkey Island. Pour toutes ces raisons-là. Okay. C'est comme... C'est aussi niaiseux et aussi drôle que Monkey Island. Et j'argumenterais même plus parce que le voice acting est comme... plus... Le rythme est plus punché. Ben, c'est plus moderne, on s'entend. Ouais. Mais c'est surtout que toutes les puzzles sont... sont plus clairs, puis t'as le système d'indices, puis d'illumination, plus le perroquet qui te donne des indices, fait que ça va. Sinon, l'autre que ça me faisait penser, c'était, tu sais, les jeux Telltale, là, avant de faire les jeux super linéaires narratifs, là, ils faisaient des jeux de puzzle point and click, là, ils ont fait... Puzzle Agent! J'ai pas joué à Puzzle Agent. Je viens de finir le 2, là. Il paraît que ça, c'est comme Professor Layton. Ouais, ouais, vraiment. C'est-tu bon? Ouais, j'ai bien aimé le 1, mais le 2, c'est comme juste une suite du 1. C'est aucunement une amélioration. Là. C'est comme si c'était un épisode 2, genre. Ouais, ben, c'est Telltale. Là. Ouais. Ils sont jamais très connus pour réinventer la machine. Ouais. Ils vont juste faire plus de contenu. Mais justement, ils faisaient les... Moi, j'avais joué les Sam & Max... C'était, j'ai pas essayé encore. Sam & Max saison 3 de Devil's Playbox. OK. C'était, tu trouvais le coffre à jouets de jouets maléfiques qui avait toutes des propriétés bizarres puis ça te donnait des mécaniques de puzzle cool. Puis justement parce que tu sais, il te montrait, il y avait une mécanique. C'était comme, il te donnait un jouet, puis le jouet, il faisait un affaire, puis là, toutes les puzzles tournaient autour de l'utilisation de cette patente-là, genre. Puis il y avait un système d'indices où, quand ça faisait trop longtemps que tu foutais rien, genre, les personnages se parlaient entre eux, puis à un moment donné, ils faisaient comme, « Hey, je pense qu'on devrait retourner voir machin, truc, chose. » Puis là, tu fais, « Ah, c'est là qu'il faut que j'aille. OK, merci. Ah, c'était là, je vais arrêter de chercher ici, je vais aller voir le dude, puis là, ça va... » Fait que ceux-là, j'ai réussi à les faire sans aller chercher sur Internet. J'ai bloqué un petit peu, mais jamais trop. Mais dans Puzzle Agent, t'as des petits objets que tu trouves un peu... Ben, un peu comme... Ben, en fait, ouais, ça ressemble à Professeur Layton. Dans le fond, dans Professeur Layton, tu trouves des pièces d'indices. Ben là, c'est ça, tu trouves des trucs d'indices. Puis, tu peux acheter jusqu'à 3 indices, mais comme si tu te rends au 3e pour un puzzle, ils te disent pas mal qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Là. Mm-hmm. J'ai pas eu besoin d'un FAQ, mais j'ai parfois utilisé des indices parce que parfois c'est obscur un peu. Là. Mais comme c'est des labyrinthes, système. Mais comme vu que c'est sur ton ordinateur, tu peux pas comme dessiner, puis là tester, puis faire des trajets, puis tout. C'est pas si facile que sur papier. Fait que, faut que tu fasses un screenshot. Ça a l'air qu'ils l'ont pas sur Android, Puzzle Agent. Ah, ça se peut, mais je sais c'est pas, c'est un jeu de PC, ouais. Je sais pas si ça se prête bien. Ils l'ont sur Apple. Sur iOS, je veux dire. C'est d'autant plus surprenant, justement. Ouais. C'est peut-être un deal entre Telltale et iOS, par exemple. Ouais, ça se peut. Ah non, c'est un jeu de PC sur Android. Bon, faut bien vérifier. Ouais, c'est ça, faudrait vérifier si les autres jeux de Telltale ils sont sur Android, parce que je sais que tu peux jouer sur iPad à genre de Wolf Among Us pis tout. Ouais. La plupart des toutes les Walking Dead, Wolf Among Us, tous ceux-là sont sur iTunes et Play Store. Peut-être que le jeu de Batman, il roulerait mieux sur mon téléphone que mon ordi, hein? Quoi, il roule pas bien sur l'ordi? Batman, il roule mal sur mon ordi à maison et mon ordi à job. Deux. Hein? Bon ordi. Le jeu est pas comme de la merde. Le framerate est dégueulasse. C'est le jeu rendu là. Puis, genre, la seule manière que ça allait bien, c'était de mettre tous les graphiques au minimum. Puis là, tout est comme pixelisé vraiment à LED dégueulasse. Puis là, c'est comme. Ouais, je joue, mais c'est poche. Mm. Ok. Ouais, puis. Ils se ressemblent tous un peu. Les... Tu sais, j'ai vraiment aimé The Wolf Among Us. C'était le premier que j'ai joué dans cette série-là. Tout le monde préfère, je pense. Ouais. Puis après ça, j'ai joué à Walking Dead. Ça a commencé intéressant. Ça m'a perdu assez rapidement, là. J'ai juste joué la saison 1, là. Moi, saison 2, j'ai pas trop embarqué. Mais par contre, j'admets, j'ai pas joué à Batman ou les autres, là, Game of Thrones non plus. Le meilleur, c'est ex aequo avec Wolf Among Us. C'est Tales from the Borderlands. Ben oui, apparemment, oh, yes. C'est bon. Mais là, il y a Guardians of the Galaxy, là, je me dis sûrement qu'il doit être bon. Hein, ils vont avoir ça, eux autres. Non, il est déjà sorti. Ce que je vois sur les stores, c'est qu'on a au moins un Walking Dead, Game of Thrones, le Minecraft Story Mode, Batman est là, Tales from the Borderlands, Wolf Among Us, Guardians est là, on a un Mr. Robot, et puis c'est ça. Un Mr. Robot? Ah, Mr. Robot, c'est comme, c'est pas une série télé, ça? Ouais! Ils ont un jeu de ça. Réalité alternative. C'est plus comme Mystic Messenger. Ouais, ah, c'est pas direct, t'es dans une fausse application sur ton téléphone. Ouais, j'ai lu ça. Puis tout ça. J'ai joué à ça, je n'ai parlé. Oui, je pense qu'on a déjà parlé, ouais. Tu textes du monde, puis tu leur poses des questions pour obtenir des informations pour d'autres gens qui te communiquent par texto, tout. Fait que tu fais juste interagir avec des textos. Ah, oh, nice. c'est pas que t'écris ton message. Tu rentres pas le texte comme dans Event Zero que tu nous parlais tantôt. Là. Okay. C'est plus comme tu choisis des phrases. Tu choisis une option. Hein. Okay. Quand même. Je pense que ça vaut la peine de regarder sur le Google Play Store ceux qui ont les appareils pour, parce qu'il y en a plusieurs qui sont gratuits. Ça veut dire que vous allez avoir le premier épisode puis acheter les autres dans l'application, probablement. Il y en a 4-5 qui sont comme ça. Ouais, justement, ils sont en train d'avoir un spécial global sur la plupart de leurs jeux. Si tu checkes leur site, c'est le fun. Épisode 1 sur la plupart de leurs séries de Choose Your Own Adventure sont gratuits, avec toutes les autres disponibles pour 6,99. Donc, ils n'ont pas des affaires plus vieux comme Jurassic Park ou je pense que c'était Sam & Max. Puis, Jurassic Park est juste disponible sur iTunes, malheureusement. Tales from Monkey Island. Hey, parlant de Monkey Island, ils ont ça. Ah, mais c'est plus sur iTunes. J'ai lu ça, puis je n'ai jamais joué. Ah ouais? Faudrait. Faudrait. Au début du podcast, Mathieu, dans le temps que Mathieu était avec nous autres, il nous en avait parlé de ce jeu-là, puis il nous avait dit à quel point c'était hilarant, puis il se roulait à terre, puis il disait c'est trop niaiseux, puis drôle. Ah ouais. Cool. Que j'y joue. Ben, il n'est même pas disponible pour ma plateforme, fait que je pourrais même pas l'utiliser si je voudrais. Mais il est en spécial sur PC. Il est sur PC aussi? Okay. Peut-être sur Steam. Là. Ouais. Anyway, nice. Sur ces belles paroles, ça nous amène vers les mots de la fin. Ah, oh, pas déjà? Ben là, il est 10h10, on est déjà 10 minutes en retard, fait que ça va être des mots de la fin courts, là. Ah bon, ok. Ça passe vite quand on s'amuse. Ben oui, on a de la joie à faire, t'inquiète là. Ah ouais. Qui veut commencer? Mot de la fin. Moi, j'ai joué à Dragon Warrior cette semaine. Ouais. C'est vrai, on n'en a pas parlé. C'est spotable. C'est très, très, très, très de base. Ok. C'est de base. C'est, tu peux attaquer, tu peux faire des magies. Et ça. Ça, c'est le combat. Quand tu te promènes, tu peux chercher par terre s'il y a des choses. C'est obligatoire à 2-3 endroits du jeu. Okay. Quand tu marches sur un escalier, tu ne descends pas automatiquement. Il faut que tu rouvres ton menu et que tu pèses sur escalier pour t'atteindre les escaliers. Mais là, tu sais, tu voudrais pas marcher sur un escalier puis descendre par erreur. Oui, c'est ça. Ça serait dangereux de débouler les escaliers, oui. Ouais, mais si jamais tu rencontres une caverne dehors puis que tu marches dessus, tu vas rentrer dedans automatiquement. Mais l'escalier pour remonter, il faut que tu fasses escalier. Puis là, tu réapparais sur la grotte elle-même. Puis là, tu dis, ah non, moi, je voulais retourner dedans. Tu fais escalier, ça marche pas. Faut que tu débarques de la grotte et que tu rembarques sur la grotte. Évidemment. Pas correct. Ben là, c'est pas correct, oui, mais ça date de genre 1989. Celui-là, il est de 85. 85. Oh, wow. Mais oh, l'affaire, c'est qu'il y avait des créateurs de Dungeons and Dragons sur les ordinateurs qui n'avaient même pas d'écran, puis ils étaient plus complexes que ça. des ordinateurs pas d'écran, je veux dire, tu es en train de jouer à un multi-user dungeon, un mod. Là, tu es comme à plusieurs avec des character sheets que tu rentres dans l'ordi, puis ils te renvoient tes où, puis tes status sur le papier. Oh wow! Et puis il monte, c'est comme. Puis attends, toi, genre, qu'est-ce que t'as fait? Combien de dommages? T'es où? Wow! C'est plus complexe que ça. Ben, je veux dire, au moins, les graphiques, ils étaient meilleurs que sur papier, mais il y a quand même, genre, juste un graphique pour une ville. Il y a quand même juste un graphique pour un pont. Fait qu'il y a une place avec un pont, qui a deux ponts de large. Fait que c'est vraiment deux ponts, un à côté de l'autre. Oh wow! Lui, ça, c'est un gros pont! Ah, c'est un méga pont, là. La voix qui sort puis la voix qui rentre. Il n'y a pas pire beaucoup de grinding à faire, mais comme c'est simple, c'est pas une mauvaise expérience non plus. Ok. Je pense que je l'ai presque passé en deux jours, mais j'ai décidé de ne pas faire le grinding pour le boss final. J'ai écouté un speedrun à la place. Mais ça doit être répétitif, non? Un peu, mais pas tant que ça. On en parlera. Okay. Je vais revenir dessus, puis je vais parler du speedrun et quelque chose. Ah oui? Anne-Marie, mot de la fin? J'ai joué à Vignette, grâce à toi. Mm-hmm. C'est vraiment fabuleux, mais mon Dieu, j'en aurais pris plus que ça, par exemple, quand le jeu est fini, chez le Benon. Ben non, pas déjà. Je viens juste de commencer. Ben, je t'ai dit que c'était pas si long que ça. Ouais, je me rappelais pas. Mais moi, j'avais apprécié que c'était pas si long. Mais t'as-tu tout trouvé? J'ai pas les secrets. Ah, ben là. Les secrets, ouais. Bon, j'ai besoin d'un FAQ pour genre une affaire, là. À un moment donné, j'étais vraiment bloqué. Puis là, il me semble que j'ai tout regardé sur tous les angles. C'est dur, là, tout regarder sur tous les angles. Ben là, après ça, tu te demandes pourquoi que c'était si court. Ben, c'est que la carte... Il y a une carte qui dit tel objet peut devenir tel autre objet, mais des fois, c'est comme plus mélange que d'autres choses. Des fois, c'est pas exactement exact. Ouais. C'est que j'avais pas tout le temps trouvé, mais oui, je vais sûrement retourner juste pour trouver tous les secrets, mais c'est vraiment intéressant le gameplay que dans le fond, tu découvres des objets en faisant tourner des objets. Puis... Si jamais tu t'écœures à essayer de trouver tous les secrets... Fais comme moi, va les chercher sur Internet parce que c'est quand même drôle. La fin. Ah, oh, il y a une fin après? Oh, c'est pas une fin, là. C'est comme un cossin, là, mais. Ah, ok, ah, mais c'est cool. Ça m'encourage de savoir qu'il y a un cossin après les. Attends-toi à rien d'autre qu'un cossin. Non, c'est correct. C'est mieux que rien. C'est ça. C'est tout le temps mieux que rien. C'est juste cute. Ah, oh, ben parfait. Je vais aller voir ça. Bon, qu'est-ce que c'est, moi, mon mot de la fin? J'en avais un papier. Ah oui, 140. On a parlé dans ce podcast il y a très longtemps de 140. 140. Mais cette année aussi, parce que j'y ai touché. Ouais, aussi ben, connu sous le nom de 140, carré, triangle, cercle. Qui était un platformer 2D sur Steam. Musical. Musical, qui est où il faut utiliser le sens du rythme, où les objets, les plateformes et les pièges bougent selon la musique, alors il faut que tu écoutes la musique pour savoir quand sauter. Complètement out of nowhere, il y avait 3 tableaux dans ce jeu-là, ben là maintenant il y en a 4. What? Genre, bon, après, ça fait au moins 3 ans que ce jeu est sorti-là. Puis il a fait un autre jeu depuis. Puis j'ai comme l'impression qu'il a fait un nouveau tableau comme pour essayer de faire mousser les ventes de son nouveau jeu. Je sais pas. Okay, parce que j'ai comme entendu parler que son nouveau jeu, il a pas pogné tant que ça. Fait que là, il était comme, bon, ben je vais faire un update. Peut-être que ça va aider. Fait Fait qu'il a fait un nouveau tableau. Il est encore plus tough que le dernier tableau, le troisième, qui était déjà pas mal tough. Surtout le boss. Fait qu'il y a un nouveau tableau. Puis je l'ai... Fait que l'autre jour, j'ai voulu le streamer. Puis j'ai muffé mon stream, fait que ça a pas streamé. Mais j'ai parlé à caméra pendant... Oh non! Une heure et demie, là, le comment temps de faire. Comment t'as fait pour pas t'en rendre compte? Ben, je m'en suis pas rendu compte. Là, ça marchait pas. Tu te regardes pas en même temps? C'est surtout que ça buguait. Oh non! Fait que... Je pensais que ça marchait. Puis ça marchait pas. Puis là, c'est surtout que l'audio était pété. Puis l'audio est comme important dans ce jeu-là. J'ai fait, bon, ben, ce stream est une horreur, je vais le déléguer. Alors, c'est triste. Oui, mais 140, c'est bon. Fait que ça s'écrit 140 dans Steam. C'est fait par le créateur, un des gars qui a travaillé sur Limbo. Après Limbo, il a fait ça. Ouais. Okay. Nice. Ça n'a pas le même look, c'est psychédélique, plein de couleurs, ça saute partout, la musique est bonne. Mais c'est un side-scroller. Puis le nouveau tableau, il est tough, mais il est le fun. Cool. Ah, puis la fin de 140, la fin du troisième tableau, là, genre, est cool. Oh. Anyway, c'était mon mot de la fin. Qui reste? Il reste Sean? Oui. Sean, mot de la fin. Mot de la fin. J'aime ça le beurre de peanut. Et Job Simulator. Tiens, ça c'est un des jeux que j'ai joué purement pour raisons professionnelles de recherche. Oui. En VR? C'est-tu lui en VR? En VR, oui. Je pense que c'était comme le premier jeu que j'ai entendu parler sur VR que tout le monde trippait. Tu sais, il est ou gratuit ou... Ma compagnie a déjà payé pour, fait qu'il est comme dans le library, mais je pense qu'il est gratuit maintenant. Puis... C'est un jeu qui, je crois, qui est very real, hein? Qui est VR, very real. Oui. Oui, dans le sens... Job Simulator, c'est des vrais jobs. Dans le sens où, tu sais, après une longue journée de travail, la première chose qui te vient à tête, c'est d'aller travailler plus, right? C'est juste naturel. Mais c'est intéressant, c'est drôle comme jeu. Le concept, bien sûr, c'est que tu joues des rôles de différents, que ce soit mécanicien ou un gars qui travaille dans un bureau, qui est dans son cubicule, puis il faut qu'il fasse des tâches. Il y a comme sa machine à fax, puis des tâches rentrent. Il faut que tu les fasses. Tu sais, envoyer un courriel, faire un rapport de les finances de la compagnie, mais le boss veut que tu rentres des chiffres qui sont pas les vrais chiffres. Fait que là, tu es en train de faire des choses que, en théorie, tu devrais pas nécessairement faire à une vraie job, mais que beaucoup de monde font probablement. Oh, God. Fait qu'il y a comme, il y a un aspect humour, là, qui est le fun. Tu sais, comme le mécanicien, il est toujours en train de faire, tu sais, oui, il va arranger ta roue, mais en même temps, il faut que tu enlèves quelque chose de son moteur pour qu'il va falloir qu'il revienne dans une semaine. C'est toutes des affaires croches. Le jeu a un sens de l'humour. Puis c'est basé un petit peu dans un futur où les humains n'existent plus. Puis c'est que des ordinateurs. Tu sais, des ordinateurs flottants, genre à la Jetson, là. Tu sais, avec les petits ronds en dessous qui font... c'est le symbole de hover, tu sais. Oui. Fait qu'il y a des ordis de partout. Fait que quand tu fais la job dans le cubicule, tu es le seul humain dans tous les cubicules. Fait que tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Tu peux prendre des bains puis les pitcher à tes voisins dans les cubicules à côté. C'est super hilarant, c'est trippant. Personne aime les humains, fait que c'est drôle, tu sais, dans cet univers-là. Mais oui, honnêtement. Hey, puis si jamais tu as des frustrations à ta job où il y a des cubicules, tu peux aller, après une longue journée de travail, rentrer chez toi, allumer ton Oculus, commencer ton Job Simulator, puis pitcher une tasse de café remplie de café chaude sur ton voisin, puis c'est bien correct. La réalité virtuelle fait maintenant que c'est acceptable et correct. Parce que c'est very, very real. Exactly. C'est du VR. Ouais. C'est du WR. Oh, ok. Pas sûr. Ok, on la laisse passer. Eh bien, sur ce, c'est ce qui termine cette longue émission de On a juste une vie, car il est 10h20. Je pense que c'est notre record de longueur. Je sais pas, parce qu'on a commencé tard. Ah ben, c'est notre record de finir tard. Ok. Ouais. Alors, pour vous abonner à l'émission, parce que vous voulez plus de On a juste une vie, on est sur iTunes et YouTube, où vous pouvez vous abonner. On est aussi sur Twitter et Facebook, évidemment. Cherchez On a juste une vie, là. Vous devriez nous trouver. Et sinon, cherchez les liens sur onajustunevie.ca, qui est notre site web, qui est beau. C'est-à-dire, pas vraiment. On est... Ben, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait, là, tu sais. Il est correct. Il est nice. Correct, c'est sûr. C'est un site correct. On est aussi distribué sur l'entredugeek.net. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez nous écrire à info@onajustunevie.ca. Et merci à Anne-Marie. Merci.